بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. طيب، أولا درس الماضي أخذنا ماذا؟ العام. سكوى العام اللفظ المستغرب لجميع أفراده بلا حصر. بلا حصر، نعم. Et c'est quoi le siyer du umum? Quand on dit umum, on parle du âme, tu vois. Quand on dit tarmim, umum, âme, tout ça, c'est un même sens qu'on veut, à peu près. Donc c'est quoi les formulations de tarmim, de umum? Formulation de les sept, c'est ce qu'on a vu. Non, les sept. Madalla al umum, comme kul, jamir, toutes les formulations qui montrent le umum. Non. Ensuite, il y avait ism al-shart. Asma al-shart. Naam, asma al-shart. Ensuite, ism al-istifham. Asma al-istifham. Ensuite, je ne sais pas si c'est tout de suite, mais je ne sais pas si c'est dans l'ordre. C'est pas grave, c'est pas dans l'ordre. Nakira, ici, après al-nahi, ou al-nafi, ou nafi plutôt, ou istifham, ou inkari. Ou istifham inkari. Naam. Ensuite, le mudaf. Un mot qui est mudaf par un marifa, c'est ça, non? Un mudaf à un marifa. Mudaf à un marifa. Qu'il soit singulier ou pluriel. Et l'un. D'ailleurs? Naam, snan. Le dernier, c'était Al-Lam Al-Istira. Al-Mu'arraf, bi-Al. Bi-Al Al-Istira. Raqiya. Naam. C'était quand Alif Lam rentre dans un mot, Naam, qui l'englobe. Kazalik, tous les éléments de ce mot. Naam, Wabaki. Asma al-Mawsoula. Tayeb. Et c'est quoi l'amel bil'am? Comment on agit face à un texte am, un love am? T'appliques jusqu'à temps que tu es à Tarsis. Tarsis. Maintenant, on va dans le khas. D'accord, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Sta'in billah, ou la ta'jizan. Quand même, la Saint-Bab, il y a un tarkiz. Tout ne peut pas être acquis car ça demande des connaissances en langue arabe que tu n'as pas encore pris toi. Il a le N. Et sûrement, je pense, d'autres personnes. Donc, on prend ce qu'on peut. Tamam, comme il dit, ma la yudrak kullu, la yudrak kullu. Ce qui n'est pas acquis entièrement, n'est pas non plus délaissé entièrement, totalement. Donc on essaie de faire comme on peut, et à Amché, tu comprends le os du bem. Après, l'état forcé, tout ça, c'est pas compris, c'est pas dramatique pour l'instant. C'est un fin barbe, Inch'Allah. Qal al-khas. À la base, le khas, c'est l'yu am. C'est l'yu am. L'oratin dud al-am. C'est l'opposé du am. Allah dal ala mahsurin bi shakhsin aw adadin. Donc c'est un terme qui vient pour démontrer une chose limitée comme une personne ou un nombre. Ka asma al-a'lam wal ishara wal adad, comme par exemple les noms propres. Asma ishara, les noms indicatifs et les nombres. C'est limité à ces choses-là. Fa kharaja bi qawlina ala al-mahsur al-'am. Donc ce qui est exclu par notre parole. Une chose limitée, c'est exclu quoi? Le âme qui lui est bila hasr, sans limite. Après, il dit wa tarsis, l'oratin dit de tarmim. Le tarsis, c'est quoi? C'est le fait de spécifier les choses. C'est l'action du khas. Parce que le âme, son action, ça s'appelle comment? Et tarmim. Et le khas, son action s'appelle comment? Et tarsis. Et le khas, c'est le fait, ou le tarsis, c'est l'action. واستلاحاً إخراج بعض أفراد العام. استلاحاً, le tarsis, c'est quoi? C'est le fait de sortir certains éléments du âme. Tu as un hukm âme, quand tu fais un tarsis, tu vas sortir certaines choses de ce tarmim qui ne sont pas concernées par ce jugement âme. والمخصص فاعل التخصيص وهو الشارع ويطلق على الدليل الذي يحصل به التخصيص. Donc le mukhassis, c'est la chose qui fait le tarsis. Et c'est une chose qui est définie par la législation. D'accord? C'est la preuve par laquelle a lieu le tarsis. Qala wa dalil at-tarsis nou'an. متصل ومنفصل. Les preuves qui viennent pour faire un tarsil sont deux catégories. متصل, ce qui est attaché, et منفصل, ce qui est détaché. Et اليوم ان شاء الله سنأخذ احدهما فقط. On prend un seul des deux. قال فالمتصل ما هو المتصل ما لا يستقل بنفسه. Le متصل, celui qui est attaché, et celui qui ne peut s'individualiser par lui-même. Ça va pas avec la مثيل ان شاء الله. Celui qui ne peut être pris à part tout seul. Il ne peut s'individualiser par lui-même. والمنفصل والعكس هو ما يستقل بنفسه. Celui qui peut s'individualiser par lui-même, qui peut être pris à part. Aujourd'hui, on va prendre quoi? Le muttasil. C'est-à-dire ce fait qui va te permettre de faire un tarsis sur un texte qui est âme. Sortir des éléments d'ajmu'am, les mettre à part. On va prendre le tarsis al-muttasil, celui qui ne peut s'individualiser par lui-même. Donc parmi les choses justement qui font un tarsis dans le muttasil, on a awalan. On va prendre trois choses. Le premier, on appelle al-istithna. Al-istithna. Ce qu'on appellerait ça, inshallah. Wa huwa lughatan min ath-thani. Wa warad ba'd ash-shay' ila ba'dih. Ka-thani al-habl. Donc lughatan, point de vue linguistique, l'istithna, c'est pris du thani. Le thani, c'est quoi? C'est comme un pli. Chose qui est pliée, qui amène un bout vers l'autre. D'accord? Une bout d'une chose, le bout d'une chose vers l'autre. Par exemple, comme il dit là, thani al-habl, tu prends un fil, quand tu le plies, qu'est-ce qui se passe? Le bout rejoint l'autre bout. Il se plie. Quand tu plies un vêtement, un bout rejoint l'autre bout. Quand même, ça c'est le ma'na l'orawi. Wa istilahan ikhraj ba'd afrad al-'am bi illa aw ihda akhawatiha. Et dans la terminologie, c'est quoi cet istisna? C'est le fait d'exclure certains éléments du 'am, tu les sors, tu fais des exceptions par quoi? En utilisant illa ou une de ses sœurs. Illa qui se traduit par quoi? Sauf, excepté, hormis, akada. Kakulillahi azza wa jal, inna al-insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Certes, l'homme coua sa perte. Il est où le âme là? Le tamim, il est où? Elle istirlaqiyya, elle est entrée dans insan. Donc ça veut dire tous les hommes. Donc là c'est hukm âme. Après il y a un tarsis qui vient. C'est quoi le tarsis? Illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sauf ceux qui ont cru et qui ont œuvré dans le bien et qui s'enjoignent dans la vérité et dans la patience. Donc ceux-là, ils font exception à la généralité des gens qui courent à leur perte. Comment on connaît l'exception? Comment on connaît ce tarsis? Il est. Tamam, il est. On a dit quoi? Que il est, quand il vient après un isme qui a elle, ça prouve que ce elle, c'est estirlaqi. Donc là, on exclut par il est, on a fait un tarsis de certaines personnes qui sortent de cette perdition. Maintenant, l'istithna, pour qu'il soit appliqué, il a des shurutes, des conditions. Certains, je ne te cache pas, elles sont faqila. Il y en a, elles ont amené beaucoup de kalem. Kaza, wa kaza, wa kaza. Là, il va citer l'essentiel de certaines d'entre elles. Et c'est des cas, franchement, ils sont rares. C'est-à-dire, tu verras rarement des gens parler comme ça. Mais il le cite quand même, Mimbeb, faida. Si tu as compris, alhamdoulilah, tu n'as pas compris, c'est pas mohim. Hein, Michel, tu as compris qu'on peut faire un tarsis d'un âm avec quoi? L'istithna qui est employé par illa ou d'autres choses. Il y a rire également qui est employé. Tari, ta ma'ada, ta hasha, t'as d'autres termes que tu prendras inshallah dans le kutub de Nahou. Donc, parmi les shurut de l'istithna, yaqul, ittisaluhu al-mustathna minhu haqiqatan aw hukman. C'est-à-dire que la chose que tu as extrait du jugement, elle est un lien avec le reste. Le jugement, d'où elle a été prise. Et cela, par hakika ou par un jugement. On va expliquer c'est quoi la différence entre les deux. فالمتصل حقيقة المباشر للمستثنى منه بحيث لا يفصل بينهما فاصل. Donc ce qu'on appelle le muttasil, celui qui est caché, qui est attaché, hakikaten, c'est celui qui suit directement le jugement d'où il est sorti sans qu'il n'y ait de séparation entre les deux. C'est-à-dire le kalam suit directement l'autre kalam. Avec l'exemple, tu vas comprendre, inshallah. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le muttasil hakikaten. C'est-à-dire la chose que tu as exemple du hukm dans la parole, elle suit directement. Il n'y a pas de séparation entre les deux. Ça, c'est le premier. Deuxième, le muttasil hukman. C'est ma fasala baynahu wa bayna al-mustathna minhu fasilun la yumkin daf'ahu kal su'al aw al-'atas. Et le jugement, le muttasil hukman, c'est celui où il y a une séparation dans le kalam par une chose que tu ne peux repousser, comme par exemple le fait d'avoir toussé ou éternué. Et là, tu as parlé, tu as dit quelque chose, tu as toussé ou tu as éternué, il y a eu une coupure. Et après, tu dis illa kaza wa kaza wa kaza. Alors que l'autre, tu as dit un kalam, kaza wa kaza, illa kaza mubashara, sans coupure. Et l'autre, il y a une chose, il y a une coupure qui est venue, une coupure d'un fait naturel qui ne peut être repoussé. Ou un événement, par exemple, tu parlais, et d'un seul coup, je ne sais pas moi, il y a un frère qui tombe dans les pommes à côté de toi. Tu voulais dire un kalam, tu t'es arrêté, tu as vu à côté de toi, tu as regardé, ah. Après tu prends ton kalam. Un fait s'est passé qui a coupé ton kalam. Après tu as dit, il est kaza wa kaza wa kaza. Ou tu as toussé, ou tu as éternué, ou tu as baillé, des choses comme ça. Donc lui, il dit maintenant que s'il y a mis une séparation dans ton kalam d'une chose qui t'était possible de repousser, de ne pas faire, il y a eu un silence, alors là, tu n'as pas le droit de te faire un istisna. Par exemple, il dit, Abi dit Ahrar. Mes esclaves sont libres, c'est-à-dire je libère mes esclaves. Après, il se tait. Ça va? Ou il parle pour autre chose. Il dit, Abi dit Ahrar. Après, il dit, Ya Mohamed, Atini Koumma. Il dit, oh, Mohamed, donne-moi un verre d'eau. Il boit un verre d'eau. Après, il dit, sauf Saïd. Il est Saïdan. Il est Saïdan. Donc là, il y a des ulama qui disent Saïd, il est libéré. Il n'y a pas. Ton istisna que tu as fait là, il n'est pas valable. À tout moment, tu as dit mes esclaves sont libres. Tu t'es tué de toi-même. Tu as demandé un verre d'eau. Tu as bu. Après, tu dis sauf Saïd. On dit non. À tout moment, tu as fait ton jugement au début. Tu as dit Ibadi Ahrar. C'est un terme qui a un pourquoi Ibadi, il est moudof à quoi? Un ma'alifa qui est Yamutakalim, Anna, mes serviteurs à moi. Donc c'est un terme qui est haram. Ibadi, c'est-à-dire tous mes esclaves. T'as dit ils sont libres. C'est-à-dire tu les as tous libérés. Après tu t'es tué. Ah, ce jugement il s'est fait. Ils ont les mains. T'as demandé un verre d'eau, t'as bu. Après tu dis, sauf Saïd. Il y en a qui disent non, Saïd il est libéré aussi. Ça se rend dans le Hukman. Hukman, il y en a deux en fait. Là, celui-là, c'est le Hakikatan. Justement, cette coupure-là, tu aurais pu la repousser, tu n'étais pas obligé de la faire. Le hukman, c'est une coupure qui a eu lieu que tu ne pouvais éviter. Comme tu as toussé, tu as éternué, tu as baillé, ou c'est passé un événement à côté de toi qui a coupé ta parole. Là, on parle dans le hakika. Là, il y a une coupure, et elle n'était pas à l'azima, elle n'était pas nécessaire. D'ailleurs, en fait, tu t'es tué de toi-même, délibérément. Hein? À la base, c'est wasil. Ça, ouais. Ton kalem, il est direct, il est attaché. La fin du kalem est attachée au début du kalem. Ce que tu dis, la fin et le début sont liés. Il n'y a pas de coupure. Là, tu as fait une coupure de toi-même que tu aurais pu éviter ou quoi. Les ulama, ils disent, khalas, même Saïd, il est libéré. Et en réalité, ce qol, tayyib, il est marjouh. Il est marjouh. Pourquoi? Car le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il y a un dalil qui prouve que le silence n'est pas forcément une chose qui annule ou qui empêche qu'il y ait un istisna. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, inna hadha al-balad harramahu Allah yawma khalaqa as-samawati wal ard wa la yughdad shawkuhu wa la yatakhalla khalahu. Donc il a dit quoi? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de Mecca, il a dit ce pays, c'est un pays que Allah a rendu sacré. Le jour où il a créé les cieux et la terre. On ne peut couper ses arbres ou ses ronces ou ses herbes. C'est-à-dire on ne touche pas à ces plantes qui poussent. Après, il s'est tu. Et il a dit quoi, Ibn Abbas? Il a dit, Ya Rasulallah, illa al-Iskhir. Sauf l'Iskhir. Et après, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, sauf le Iskhir. L'Iskhir, c'est une plante qu'on se sert pour pouvoir parfumer la maison. Ou on s'en sert également pour parfumer les morts. Donc ces plantes-là, on a le droit de les prendre. Les arracher, s'en servir pour une cause particulière. Donc là, il dit quoi? Le shir, il dit que ce hadith-là te montre qu'il y a une coupure. Avant qu'il l'ait qui vienne. Pas même? Il y a une coupure qui s'est faite. Il y a eu un silence qui s'est fait. Donc ils disent, en réalité, ce silence fait que si demain tu parles et tu dis, mathalen, un exemple à part, bi'atulak ay bayt kamil. Je t'ai vendu toute ma maison. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Après, tu fais illa al-maktab, sauf le bureau, après un silence. Venez, vous te dire non, ah, ça dit le bête Kamil, toute la maison est à moi. Venez, vous te dire le bureau, s'il est à moi. Et en réalité, même si tu te tais un moment, après tu dis sauf le bureau, en réalité, le bureau, tu ne le vends pas. En se basant sur quoi? La preuve de ce hadith. Par contre, maintenant, s'il y a eu un infisal, un fosse, une séparation qui est venue, ça rentre dans le jugement de quoi Moutassil Hukman. C'est-à-dire, en fait, ton jugement, ton kalam, il est attaché. Mais tu as été interrompu par une chose malgré toi. Là-dessus, il n'y a pas de khilaf. Il n'y a pas de khilaf. Par exemple, tu dis, Bietoula Kabbaiti. Après, tu étais à nu. Après, tu as eu un truc qui sortait de ta bouche. Tu t'essuies la main. Tu sais, tu es un peu gêné devant tout le monde. Tu t'essuies la main. Tu mets ton mouchoir. Il est le maktem. Tu vois, là, on dit, khala, c'est pas, sauf le maktem. Il n'y a pas de problème. Ou, comme on a dit, tu es en train de parler avec quelqu'un, Bietoula Kabbaiti. Et après, tu entends une voiture qui est à côté de toi, il y a une voiture. Tu entends les bruits de frein et tout, et après, tu entends boum, la voiture, elle s'est pris un mur. Tout le monde regarde, qu'est-ce qui se passe? Tu étais coupé dans ton calme. Après, tu dis, il est le maktab, hein, sauf le bureau. Là, c'est accepté. Parce qu'en fait, tu es interrompu malgré toi par un fait. Donc, ça, c'est quoi? Muttasil hukman. C'est-à-dire qu'en fait, malgré la coupure, ton calme, il a un jument de calme attaché, qui n'a pas été coupé. Et l'autre, c'est une coupure. Une réelle coupure qui a eu lieu. Une réelle interruption. Pas une chose que tu aurais pu éviter. D'accord? Et là, il y a eu un khilaf. Est-ce que l'exception qui vient derrière, elle est acceptée ou pas? Et en réalité, elle l'est, comme le prouve le hadith d'Ibn Abbas. Donc, on a dit quoi? Première condition, que le kalem, l'istisna, le début du kalem, soit attaché à la fin du kalem. Il n'y a pas eu de coupure. D'accord? C'était la première condition. Cette condition, lorsqu'elle est valable ou pas, en réalité, elle ne l'est pas. C'est une condition qui a été émise, mais en réalité, elle n'est pas une condition. Il se peut qu'il y ait une coupure. Donc la première condition, elle-même, elle est mise de côté. Deuxième charte, c'est quoi? Alla yakun al-mustasna aksar min nisf al-mustasna minhu. Notre mas'ala. Que la chose que tu as, à laquelle tu as fait exception, si c'est un nombre, elle n'est pas plus que la moitié de la chose dont tu l'as extrait. Tu vas comprendre. C'est facile celui-là. Maintenant, tu dis, je fais sadaqa de 100 euros. Sauf 60. Maintenant. Même sauf 60. C'est-à-dire, tu fais combien? 40. Il y en a, ils disent, là, ton istisna n'est pas valable. Pourquoi? Parce que tu as fait une exception, une chose qui est plus de la moitié de la somme que tu as donnée. Donc ils disent, tu es obligé de donner tes 100 euros. Ton istisna n'est pas valable. Après, certains ont dit, non, même cette condition-là, il n'y a pas. Même tu dis moins de 60, hormis 60, tu donnes que 40. Cette condition-là, Kazalik, elle était débattue, elle n'a pas été acceptée par beaucoup. Donc à ce moment-là, lui, Shir al-Famin, il voit pareil. Parce qu'on l'a, tu as dit, alors tu fais un offre, tu fais un vœu. Tu dis, lillahi alayya, sadaqa, miyat yoro. Il laisse ittin. Quand même, il dit, pour Allah, je fais un sadaqa de 100 euros. Hormis 60. Donc là, tu peux donner 40. Ton oz, tu le fais, par exemple. Vous voyez? Et Shir al-Famin, il voit que ça aussi est valable. Maintenant, on te dit, parle bien. C'est quoi la faïda que tu dises à part 60? Tu vois, dis, je fais une sadaqa de 40. Quoi, tu dis 100, après, hormis 60. Ça fait un peu, tu vois. Toi, il dit, ça fait, c'est pas sérieux comment tu parles. On dit, sérieux ou pas sérieux, le hukm, l'aïsaniya, de faire une sadaqa de 40, de faire un an de 40, donne que 40, pas plus. D'accord? Après, un autre istisna, une exception dans sa totalité. Par exemple, quelqu'un dit, je donne 100 euros, sauf 100 euros. Donne 100 euros, excepté 100 euros. Il y en a qui disent, les 100 euros, tu les donnes. D'accord? Les 100 euros, tu les donnes. Et il dit, cette condition-là, elle n'est valable que pour ce qui est d'un nombre. Maintenant, quand c'est donné par une caractéristique, bisifa, à lâcher aha. Donc ça, c'est des exemples, tu as vu, c'est des trucs, franchement, tu vas entendre personne parler comme ça. C'est écrit déjà à la base. C'est des choses, comme je t'explique, c'est ça, dans ce sens-là, dans ce rythme-là, des fois, tu peux aller loin dans le calme. Exemple tiré par les cheveux graves. Faut faire attention. Qui va te dire, je fais ça à 400 euros, à part 100 euros, bah pourquoi tais-toi. Ton calme, il sert à rien, là. Faut t'en être dit, bah, t'as parlé, les 100 euros, tu les donnes. C'est quoi la fida que tu parles, sinon? Donne tes 100 euros, ma salade. Donc là, on a dit, ce jugement-là, il s'applique quand c'est avec, comme tu l'expliquais, avec un nombre. Bil adad. قال اما ان كان من صفه فيصح ان وان خرج الكل او الاكثر. Maintenant, quand c'est un jugement basé sur un descriptif, pas sur un descriptif, que ce soit la totalité ou la majorité de cette chose que tu extrais de ton jugement, tu fais exception, yassah, tu as le droit de le faire. C'est quoi l'exemple? قال تعالى لابليس ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين. Il a dit quoi, Iblis? Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, certes, mes serviteurs, tu n'auras aucune part sur eux. D'accord? Quand Iblis a dit qu'il va égarer ses serviteurs, il a dit, tu n'auras aucune part sur eux, hormis ceux qui te suivront parmi les égarés. Qui sont les plus nombreux? Les gens bien guidés ou les égarés? Qui sont les plus nombreux? Donc la majorité l'emporte. C'est-à-dire que là, il y a eu un stisna basé sur quoi? Pas sur un nombre, sur un qualificatif, sur un wasf. Sauf ceux qui t'auront suivi parmi les serviteurs, parmi les égarés à fond. Il n'y a pas de nombre. Il n'a pas dit hormis 5 sur 10 ou hormis 7 sur 10. Il a dit, mes serviteurs, tu n'auras aucune part sur eux, à part ceux qui vont te suivre. Combien l'ont suivi? La plupart l'ont suivi. La plupart, majorité écrasante. Quand l'Azza wa Jal, il y a Adam, أخرج بحث أهل النار إلى دي من بحث النار قال من كل ألف تسعة وتسعين وتسعة وتسعة وتسعين إلى دي وآدم صار تدير ما أبار لبحث دي جان دي نار إلى دي سيكي دي جان دي نار دي شاك ميل 999 تدير 1 سوى جنة و 999 سوى كيف كيلا فعل اسمه تعالى إلى قدم كي لا ماجوريتي quasi écrasante au feu. Il n'a pas dit sort les gens du Jannah, il a dit sort Bahf Elena. La plupart. Fahim Tani? Non. Ou tu dis, mais c'est l'exemple qui donne le shir, Arti man fil bait il est l'ornia. Quelqu'un te dit, fil sadaka, donne à tous les gens de la maison à part aux riches. Donc là, on a quoi? Man fil bait. C'est quoi man là? C'est un ism mawsoul. Donc c'est un am. Donc tu donnes, taïeb, à toute personne qui est dans la maison. Il a dit, illa al-aghniya, sauf aux riches. T'arrives dans la maison, il y a un seul pauvre. Tu lui donnes. D'accord? Ou alors, t'arrives dans la maison, il n'y a que des riches. Qu'est-ce que tu fais? Tu donnes à personne. Là, donc tu as le droit de faire un istisna du coup de l'école. Quand tu as nié, ce n'était pas ça. Ça te dit, toi, donne à tous ceux qui sont dans la maison, sauf les riches. Tu rentres dans la maison, il n'y a que des riches. Tu donnes à personne. Vous voyez? Vous voyez le fork entre l'istisna avec un nombre et l'istisna avec un wasf. Avec descriptif. Donc là, c'était le premier tarsis qu'on a appris, c'est quoi? Avec l'istisna, l'exception. Avec illa ou nécessaire. Quand est-ce que c'est valable? Quand est-ce que ça ne l'est pas? Tu viens avec un texte qui est am, et après tu dis illa pour exclure des gens de ce jugement qui est am. Donc ça, c'était le premier. Deuxième, le tarsis du mot tassil, un short, une condition. Avec une condition. C'est quoi? Un short. L'oratène ou l'allama. Un short, on appelle ça également un signe. L'oratène. Et là, il dit quoi? Le muradu bihi huna, ta'alik shay'in bi shay'in, wujudan, ou adaman, bi in shartiya, ou ihda akhawatiha. Maintenant, c'est quoi? C'est le fait de faire un istisna avec une condition. C'est-à-dire, tu mets un jugement. Mais tu mets une condition à ce jugement-là. Donc tout ce qui n'entre pas dans la condition, qu'est-ce qui va lui arriver? Il se reste du jugement. Ma fumila huna tayyib. Et ça, le short, il a des adawat, comme inna et d'autres adawat. Qui sont dans les jawazim qu'on va apprendre, inshallah, dans Kutub al-Nahw. Je dis que celui qui n'a pas de langue arabe, ada yashuk alayhi. Il y a des choses qu'il faut expliquer en langue arabe. Et il dit que le jugement, il est valable, que la condition vienne en début de phrase. Ou en fin de phrase, c'est pareil. Car en langue arabe, tu peux mettre une condition en début. Voyez. Et à la fin. Même en français, on peut le faire en début ou à la fin. Il dit un exemple d'une condition qui est en avant. Mutaqaddam. Qala ta'ala fi mushrikin. Fa'in tabu wa aqamu salat wa ataw zakat. Fakhallu sabilahum. Il a dit quoi Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens? Et si jamais ils font tauba et qu'ils appliquent la salat, c'est-à-dire de la zakat, alors laissez-les passer. Car à la base, dans le verset d'avant, Allah a dit quoi? De leur couper la route. Et de les tuer. Et de les assiéger. Après, l'autre verset, après, il dit quoi? Fa'in ta'abu. Par contre, si jamais ils font la salat, ils font tauba walent, ils font la salat, c'est que de la zakat, alors laissez-leur libre passage. La condition est venue quand maintenant? Au début du verset. Quand même, à la base, c'est وَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ. Et tuez les mouchriquines où que vous les trouviez. حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ. Là, c'est el mouchriquine. C'est un el qui rentre dans quoi? Kul mouchriquine. Là, l'exception. Une tabou. وَاقَامُوا الصَّلَاةَ. Une exception par quoi? Une condition. Eux, tu les laisses. Et مِثَال الشَرْطَ المُتَأَخِّرَ. Lorsque la condition vient en fin. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. Donc ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat d'affranchissement, alors affranchissez-les si vous voyez d'eux du bien. Si vous voyez d'eux du bien. Donc là c'est quoi? C'est à la fin in alimtum fihim khayra. Le short, il est venu quand? À la fin. D'accord. Donc on a dit quoi? Parmi les choses qui font un tarsis, chartia, le fait de faire une condition. D'accord. Le fait de faire une condition. Je te dis un autre exemple. Idrib el aoulad in la mejlisou. Frappe les enfants. À la base, c'est jumoram el aoulad. Il y a les enfants qui sont là. In la mejlisou. S'il ne s'assoit pas. S'il s'assoit, khalas. Et c'est-à-dire, celui qui ne s'assoit pas, que s'il lui arrive, il va se retaper. Non. Thumma al-akhir, nel mukhassisat, les choses qui amènent un tarsis, qala, ou les choses, les éléments qui t'amènent à pouvoir faire un tarsis dans ce qui est muttasil, c'est-à-dire le kelem qui est lié du début à la fin. On a toujours le muttasil. On avait dit qu'il y a muttasil, munfasil. Muttasil, c'est quoi? Malestakil binafsi. C'est-à-dire, je ne peux pas le prendre tout seul. Et moun fossil, maestakil bin nafsihi, et cela on va le prendre demain, inshallah. As-sifa, wa hiya kullu ma ashara bi ma'na yakhtasu bihi ba'd afrad al-am min na't ou badal ou hal. Donc c'est toutes les choses dont tu ressens qui est spécifié par quoi? Par un descriptif ou par un éclaircissement de la chose en elle-même ou par l'action qu'elle commet. Car le badel et le hel, c'est des choses qu'on doit apprendre en nahou, à Walen. On va faire un takrib, une approche vite fait. Un exemple du naht, ce qu'on appelle sifa, c'est-à-dire être caractéristique. Tu fais un tarsis d'une chose en la décrivant. Comme on connaît Ta'ala, فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, là, il dit quoi? Hormis dans ce que possèdent vos mains, parmi vos servantes croyantes. Au début, Allah parle de quoi? De ceux qui ne peuvent se marier avec les croyantes qui sont libres. Après, il fait exception que tu as droit de te marier avec tes croyantes, avec ta foi, avec tes servantes. Quand elle est, min fatayatikum el mu'minat. Donc là, au début, il a dit quoi? Fatayatikum. On a quoi là? Un mudaf qui est accroché à ma'arifa qui est le domir. Fatayatikum, vos servantes. C'est-à-dire toutes vos servantes. Maintenant, il y a eu un tarsis. Par quoi? Elles ont été décrites comme étant lesquelles? El mu'minat. C'est-à-dire que tu ne te maries pas avec ta servante qui est mushrika. On a d'autres versets qui le prouvent. Wala tankihul mushrikat hatta yu'min. Wala matun mu'minatun khayrun min mushrikatin walau a'jabatkum. D'autres versets qui le prouvent que même la mushrika, tu ne te maries pas avec elle. À part, on a un tarsis pour qui? Parmi les mushrikat qu'on a le droit de se marier, elle qui t'a. On a un tarsis pour elle. Par un texte. Donc là, le muhim, qu'à la base, tu as le droit de te marier avec ton esclave si c'est une croyante. Donc ça, c'est un exemple avec quoi? Un tarsis avec un wasf, un descriptif. Après, mithel el-badel. El-badel, la langue arabe, c'est comme un remplaçant. Une chose, par exemple, je te dis Dja Ahuka, Zayd, ton frère est venu, Zayd. Zayd, c'est le badel. Zayd, c'est le badel de Akhouk. C'est la même chose en fait. Je précise en fait. Dja Akhouka, c'est-à-dire Zayd. Pareil. Après, il y a différentes catégories. Ça peut être un badel entier de, complet, c'est-à-dire Dja Akhouka Zayd. C'est-à-dire que Zayd, c'est ton frère. La même personne. Tu as le badel Bard Nilkul. Partiellement, d'une totalité. Par exemple, je te dis Raitu Zaydan Qadama. J'ai vu Zayd, son pied en fait. J'ai vu le pied de Zayd. Là, le Qadem, c'est le badel de Zayd. Mais c'est une partie de lui seulement. Vous voyez? Où tu dis Arjabani Zayd Ilmuhu. Zayd m'a impressionné. Yani, sa science m'a impressionné. La science, c'est pas une partie de Zayd. C'est une chose qui est en lui, mais c'est pas un bout de lui. Ça s'appelle Ishtimel. On va le prendre dans le Nahu. Et des fois, tu peux voir un badel d'une phrase, d'une phrase. Là, il dit quoi dans le Coran? Il dit وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ الْحَجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Que pour Allah, le hajj à la maison doit être accompli. Donc là, on a quoi? مَنْ اسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Au début, on a quoi? لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ. Là déjà, on a عَلَى. C'est un terme de quoi? عَلَى, on a dit وَجُوب. النَّاسِ, c'est un terme qui est âme, on a elle qui est derrière. Donc là, on pourrait croire que quoi? Tous les gens doivent faire le hajj. Après, il y a un tafsil qui vient. Man istata'a li sabila. Celui qui peut le faire. Donc là, on a un tarsis. Le hajj n'est obligatoire que pour celui qui peut le faire. Quand même, car le verset au début, ça croit que c'est pour tous les hommes. Et en fait, non, c'est pour celui qui peut le faire. Le tarsis a été fait par quoi là? Par un badel. Là, man istata'a li sabila, c'est le badel de quoi? Annas. Qui parmi les gens en fait? Ceux qui peuvent. Quand même, ceux qui peuvent. Et le dernier, c'est le hel. Le hel, en français on dirait directement, c'est une chose qui te qualifie l'action au moment où elle accomplit. Qui te qualifie quelqu'un dans l'action qu'il accomplit sur le moment même. Maintenant, je te dis Ja'a Zaydun Rakiban. Zaydun est venu comment? En enfonchant une monture. Tu as décrit Zayd, ça a venu comment? En étant à cheval. Vous voyez? Donc là, l'exemple, c'est quoi? Allah Azza wa Jal, وَمَنْ يَكْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدَانَ فِيهَا. Que celui qui tue un muslim. Donc là, on a quoi? وَمَنْ يَكْتُلْ. On a quoi là? Ism short. À la base, c'est un tarmim. Si on dirait وَمَنْ يَكْتُلْ مُؤْمِنًا, c'est-à-dire que toute personne qui tuera un mu'min, il a tel jugement. Mais là, il précise, Muta'amidan. Prendre un tarsis, par quoi ? Celui qui le fait délibérément. Celui qui tue un muslim délibérément, sa rétribution sera l'enfer éternellement. Est-ce que c'est pour tout le monde qui tue un muslim ? Là, man qatala mu'minan muta'ammidan. Car le verset d'avant, il précise de qui ? Man qatala mu'minan khata'a. Au début du verset sur surat An-Nisa, il parle de celui qui tue un mu'min par erreur, bavure comme on dirait. Et là, il dit, celui qui tue un muslim délibérément, là on a muta'ammidan, ça s'appelle un hell. Muta'ammidan, ça s'appelle un hell. En fait, il te décrit la chose. Mais comment ? L'action, comment elle s'est faite. Là, c'est délibérément. D'accord ? Lui, il aura quoi ? Le feu de l'enfer éternellement. Donc là, le khulasa qu'on a pris aujourd'hui, on a pris le khas. Tarsis, ce qui fait, ce qui est spécifique dans une généralité. D'accord ? Ce tarsis, il est de deux sortes. Muttasil, munfasil. Aujourd'hui, on a pris quoi ? Le mot tassil, celui dont le kalem, la parole du début, est liée à la fin. On a appris que ce tarsis peut être fait comment ? Par trois choses. Par un istisna, le fait de faire une exception. On a appris par une condition. Et on a appris par quoi ? Par une caractéristique. T'as compris ça globalement aujourd'hui ? Demain, on prendra quoi ? Le monde fossile. On prendra. Ça y est, on prendra le mot fossil. Aujourd'hui, on a pris le mot le tarsis, mot tarsil. Demain, on prendra le tarsis, mot fossil, inshallah ta'ala. Allez, faïla wuna, wa alhamdulillah.